Adyashanti. L'harmonisation. À l'intérieur de la tradition zen, une des définitions de l'illumination est la suivante. L'harmonisation du corps et de l'esprit. Ce qui signifie également l'harmonisation de l'esprit et de la matière. Selon le bouddhisme, lorsque l'esprit et la matière sont en harmonie, une troisième entité voit le jour. C'est la voie du milieu. Cet espace n'a rien à voir avec la notion d'être à mi-chemin entre deux antithèses. La voie du milieu implique l'harmonie de l'esprit et de la matière, lorsque l'unité est réalisée. L'esprit et la matière ne sont pas deux états différents. Ce sont deux aspects de l'un. Voilà la réalisation de notre nature essentielle. En tant qu'humain, nous nous identifions à la matière, y compris à toute manifestation subtile ou grossière. La matière comprend tout ce qui peut être touché, vu, senti, perçu ou pensé. La sensation est matière, l'émotion est matière, à l'instar du corps, des voitures ou du sol. L'essence de la matière est l'esprit. La matière est animée par l'esprit, la force vitale. Ils sont inséparables. Même si on les considère comme deux choses distinctes, en l'absence de force vitale, la matière n'existe pas. Une matière morte est impossible. Elle ne peut exister. La réalisation consiste en partie à passer de l'identification avec la matière, qui se manifeste sous forme de la personnalité ou du moi, à l'identification à l'esprit avec un E majuscule. L'illumination véritable survient quand la matière et l'esprit sont en harmonie. Cette harmonie, c'est l'unité. Lorsque nous réalisons que nous sommes l'esprit, l'harmonie est plus profonde qu'avant cette réalisation, bien que persiste une certaine disharmonie. Il est donc utile de comprendre la valeur qu'il y a de s'exposer aux enseignements, car cela revient à nous exposer à ce qui est, à chaque instant. Au lieu de porter des vêtements, nous les retirons. Afin d'atteindre la libération, nous ne revêtons pas de concepts, d'idées ni d'opinions. Nous nous en dévêtons. Quelque chose se produit assez naturellement. Pour approfondir cette harmonie, impossible d'entretenir de concepts, comme il serait impossible de garder une partie de nos vêtements et de bronzer intégralement. Nous ne nous transformerons pas, mais une fois totalement nus et complètement exposés, nous serons métamorphosés ou éveillés d'une manière tout à fait naturelle. Il y a plusieurs années, Kuang Roshi, l'un de mes deux maîtres, savait que j'allais voyager, sac au dos, dans les montagnes pendant quelques mois. Il m'a donc enseigné à découvrir l'endroit approprié pour dormir la nuit. Il ne m'a pas fourni de renseignements sur la manière d'y parvenir. Il se contenta d'en parler pendant un moment, et puis, soudainement, j'ai compris que je saurais sentir directement l'environnement qui me conviendrait. Tout comme nous pouvons pressentir nos environnements, nous pouvons pressentir le moment où il y a harmonisation de l'esprit et de la matière dans ces environnements. Ce sont des lieux appropriés ou demeurés. Ils nous harmonisent tout naturellement. Plus l'harmonisation progresse, plus il y a intensification de la vérité ou rayonnement en nous. Le rayonnement est partout, il va sans dire. Impossible de s'en éloigner. Pendant quelque temps, toutefois, il est utile qu'il soit intensifié dans notre environnement. il est utile d'avoir un coup de pouce, parce qu'il est possible d'oublier ce sentiment que le rayonnement existe partout, en tout temps. En allant plus profondément, nous percevrons ce rayonnement en tout lieu, même s'il n'apparaît pas de manière concentrée, puissante ou intense. Nous l'atteignons en étant disposés à nous exposer à des expériences et à des endroits qui le rendent plus puissant. À chaque retraite que je dirige, je ressens la minute même où la retraite dans son ensemble, certains individus avant et d'autres plus tard, commence à harmoniser l'esprit et la matière. Lors de ce déclic, quelques-uns sont heureux, tandis que d'autres s'effraient parce que l'énergie devient plus puissante. On affirme que si vous voulez vous éveiller, il faut fréquenter les êtres éveillés. L'harmonisation justifie cette thèse. Il peut s'agir d'êtres humains éveillés, d'arbres éveillés, de montagnes éveillées, de rivières éveillées, peu importe l'environnement. Si nous sommes doués de sensibilité, alors nous pressentirons les environnements qui sont éveillés. Les êtres humains présentent divers degrés d'éveil. Il en va de même pour les arbres, les montagnes, les canyons, les collines ou un coin de rue spécifique dans notre quartier. Nous exposer à cette présence éveillée, à cet environnement où l'esprit et la matière sont harmonisés, permet de nous éveiller. Ultimement, c'est le sens du satsang. C'est aussi ce qu'est la méditation en vérité. Nous nous exposons, et par le fait même, tout naturellement, l'esprit et la matière s'harmonisent. Soudainement, il y a un déclic, sans que vous ayez fait quoi que ce soit. D'ailleurs, moins vous en faites, mieux ça vaut. En relaxant et en donnant libre cours à cette harmonisation naturelle, survient un profond éveil à la beauté de notre environnement juste tel qu'il est et à la beauté de notre être. Voilà la voie du milieu. Elle ne sillonne toutefois pas par un centre. Elle est omnipénétrante. Cette influence subtile peut s'avérer très puissante. Elle se glisse furtivement comme une brume qui s'infiltre par les fissures et les crevasses de nos vies. Elle ne s'annonce pas avec une fanfare. Je me souviens d'un jour où je faisais une retraite avec Kuang Roshi, et soudain j'ai réalisé « Je sais ce qui se passe. » Pas dans ma tête, mais intérieurement. Cette influence, cette beauté s'éveillèrent peu à peu en moi, et j'ai compris quelque chose de tacite, mais toujours présent. Lors des discours de Kuang pendant les retraites, j'étais parfois très intéressé et donc complètement attentif. En d'autres occasions, il me semblait moins intéressant, et alors je n'écoutais pas si attentivement. Comme il l'affirmait, en disant « Parfois, ce sont des paroles valables, parfois, les paroles ne sont pas si valables. Il en va ainsi de la parole. » C'est arrivé lors de l'un de ces discours où j'écoutais vaguement. Je n'étais pas perdu dans un fantasme, mais je n'écoutais pas attentivement. Soudain, un courant subtil de présence fut perçu, comme une fumée. J'ai su intérieurement, voilà ce qu'il fait. Il n'est pas question que de propos. J'ai compris que ce qui se passait n'était pas l'essentiel, ou si peu. Je me souviens d'avoir été là, le sourire aux lèvres, songeant qu'il était astucieux car, mystérieusement, sans choix délibéré de sa part ni de la nôtre, une amplification d'un fluide très subtil et pourtant omniprésent avait cours. Mon maître a été très astucieux, car nous avions l'impression qu'il ne se passait rien. Par conséquent, nous n'attendions rien. Cela m'avait échappé jusqu'à ce jour, et pendant ce discours particulier, lorsque j'ai fait l'expérience de cette source subtile qui rayonnait. Je l'ai vue et je l'ai sentie. Par la suite, elle rayonnait en moi également. C'était la même chose intérieurement. J'ai commencé à voir « Voilà ce que je suis. » Elle donne vie à tout. J'ai ressenti une harmonisation parfaite, merveilleuse du corps et du mental, de l'esprit et de la matière. Cela s'est produit simplement grâce à l'exposition. Je ne dirais pas qu'il s'agit de l'éveil authentique, mais c'en était un avant-goût. Réaliser la présence sacrée. Le charisme est une qualité merveilleuse. Pourtant, si le maître est trop charismatique, les disciples ont tendance à s'attacher à lui. Ils ne voient que le corps et pensent « Quel être merveilleux !» Il est peut-être sublime, mais il ne s'agit pas d'être une personne formidable. Ce fut un énorme avantage pour moi que ni l'un ni l'autre de mes maîtres n'étaient dotés d'une personnalité charismatique. Dès que nous vénérons le charisme ou quoi que ce soit d'autre, inconsciemment nous nous détournons de la véritable présence, la présence qui transparaît par les personnalités fortes, tout autant que par les personnalités dociles et atténuées. Elle affleure d'un fort charisme, de même que dans l'absence presque totale de charisme. Nul d'entre nous n'a de choix à ce propos. Elle passe par la grand-mère tout autant que par la gourou mère divine. Quand nous réalisons ce que nous sommes par cette harmonisation, que faire alors? Notre évolution se poursuit. Si nous cessons d'évoluer et déclarons « ça y est », subitement, l'harmonisation de l'esprit et de la matière s'évanouit. On le ressent très rapidement. Comme le disait souvent Suzuki Roshi, « si vous souffrez, vous devenez un peu avide ». Il faut capituler sans relâche, de sorte que l'harmonisation se perpétue. Les taoïstes appelaient naguère cette perpétuelle capitulation « rectifier le qi ». Dans les temps anciens, et probablement aujourd'hui en de rares lieux, on faisait appel aux prêtres taoïstes si un problème survenait dans le village. Si la communauté ne s'entendait pas, ou s'il y avait un problème quelconque, on le convoquait. Il sortait donc de son ermitage pour se rendre à la ville. Il réclamait en disant « Donnez-moi un espace tranquille, donnez-moi une hutte et laissez-moi seul. » Il s'y installait et s'ouvrait au chi des lieux, à l'énergie. C'est là une forme de compassion intense. Parce que si vous vous ouvrez à un environnement qui est détraqué, ce dérèglement pénétrera dans votre être. Le tumulte aura cours à l'intérieur, tout comme extérieurement. Si vous avez une stabilité suffisante néanmoins, si votre intuition est fine, rien en vous ne se souciera d'une telle éventualité. Cela ne constituera pas un problème. Vous n'en souffrirez pas. Mais l'agitation surviendra. Cette témérité n'est possible que lorsque vous vous réalisez pleinement. Dans le cas contraire, si vous vous ouvrez, vous vous égarerez totalement. Le prêtre taoïste s'asseyait dans la hutte et s'ouvrait au chi, à l'énergie de l'environnement. Il le sentait, l'éprouvait. Puis ouvrait le chi à la lumière de sa propre conscience. Il lui fallait un jour, une semaine, parfois un mois. Il exposait le chi à la lumière de sa propre conscience et l'énergie se rectifiait. Les gens dans le village se sentaient mieux et s'entendaient pendant un moment. Voilà pourquoi les textes sacrés nous conseillent de fréquenter les êtres éveillés. L'être éveillé prend la forme d'un être humain, de l'être d'un arbre, de l'être d'un coin de rue. exposez-vous à eux. Ne leur vouez pas un culte, ne les placez pas sur un piédestal. Exposez-vous et cette rectification agira. Cette harmonisation découle de leur état de conscience. Il ne faut toutefois pas devenir dépendant. C'est vous qui êtes responsable de votre éveil. La lumière de la conscience n'a nulle intention de changer ni d'altérer quoi que ce soit. Elle n'a pas ce sentiment que quelque chose requiert un changement. Toutefois, il y a transformation. Du coup, le prêtre pourrait se contenter de rester là, et tout se rectifierait. Tout le monde se sentirait beaucoup mieux. Naturellement, l'effet serait éphémère, parce que s'ils n'ont pas perçu le soleil en eux-mêmes, une fois que la conscience éveillée quitte l'environnement, tout le monde redevient fou. Le prêtre, lui, reste détendu. Le soleil ne discute pas de l'endroit où il jette ses rayons ni de la raison pour laquelle il brille. Les gens s'éveillent et se transforment seulement s'ils le désirent vraiment. Jusqu'alors, tout changement ne sera qu'éphémère. Personne ne peut vous imposer l'éveil permanent. Quand vous commencez à voir la lumière de votre être véritable, cette lumière s'éveillant en vous, ce rayonnement, vous réalisez qu'elle n'a aucune intention de vous changer. Elle n'a nulle intention d'harmoniser. Elle n'a pas d'ordre du jour. Elle se produit tout simplement. La vérité, c'est la seule chose qui ne possède aucun ordre du jour. Tout le reste en possède un. Voilà pourquoi la vérité est si puissante. Renoncez à vos ordres du jour et continuez à vous exposer. L'harmonisation surviendra spontanément.